Bonjour, Jean, donc 63 ans, j'habite cet immeuble depuis longtemps, depuis une trentaine d'années, enfin ma femme en tout cas depuis une trentaine d'années. Voilà. Est arrivé un nouveau gardien il y a quelques années qui nous pose de gros problèmes puisque cette personne se permet des actes vraiment totalement injustifiables. Et voilà, c'est ce que je vais vous raconter maintenant. Ça a commencé donc dès qu'il a été nommé. Pendant 3 mois, il a parfaitement fait son travail. Et puis au bout de 3 mois, il a commencé, une fois qu'il a été sa nomination a été validée, il s'est carrément arrêté de travailler, il faisait plus rien. Donc on lui a fait la remarque. De fil en aiguille, bon, on s'est aperçu que cette personne ne remplissant pas ses fonctions, nous avons averti le bailleur quant à ses manquements répétés. Et de fil en aiguille, on s'est aperçu que le bailleur réagissait très mollement et qu'il était vraiment très soutenu par sa hiérarchie, même avec tous ses manquements. Alors ça a continué, les choses se sont envenimées au niveau de, avec certains locataires, et de fil en aiguille, ce monsieur s'est permis d'insulter les gens, de les menacer physiquement. Enfin, ça devenait assez surréaliste. Nous avons signalé donc à son employeur, le bailleur, tous ses faits et gestes. Et rien n'a suivi, enfin on n'a pas vu d'amélioration de ce côté-là. Alors, il y a quelque temps, je me trouvais avec un autre locataire de l'immeuble dans le hall en bas, et ce monsieur est sorti de chez lui et nous a lancé un regard pas glacial mais très menaçant comme à son habitude alors que je n'avais aucun contact avec lui depuis plusieurs années. J'ai eu l'outrecuidance de me permettre de lui dire que c'était nous. Ce à quoi il m'a répondu: je t'emmerde, ce qui était une délicatesse dont il a le secret. Et à ce moment-là, la colère m'a pris et j'ai dit à mon interlocuteur, l'autre locataire, que j'allais pas me laisser insulter par une crapule. Finalement, le ton est monté, enfin bref, échange d'insultes, menaces physiques de sa part, comme à l'accoutumée, hein, pour ce à quoi je lui ai dit que je savais très bien ce qu'il souhaitait, mais que ça n'arriverait pas, puisqu'il voulait me mettre en défaut. Et puis on en est resté là. Et un mois plus tard, j'apprends que je suis convoqué en vue d'un entretien au commissariat, parce que ce monsieur avait porté plainte contre moi et contre un autre locataire pour le même genre de désagrément, on va dire. Il en est ressorti que nous avons, alors que nous avions une liste assez impressionnante de manquements de sa part et de faits établis où il était largement impliqué et où ses agissements dépassaient complètement ce qu'il pouvait faire dans le cadre de sa fonction, à savoir insultes aux locataires, menaces, etc. Nous avons été donc convoqués tous les deux au commissariat, avec prise de photos, de face, de profil, empreintes des doigts, des mains, des paumes de la main, comme de grands criminels. J'ajoute que l'autre personne a 67 ans ou 70 ans, enfin, qu'il avait une carrière de cadre supérieur, enfin, pas le genre de voyou, quoi. On nous a expliqué que c'était insignifiant, que c'était pas grave, que tout ça serait effacé. Et au deuxième entretien, nous avons été reconvoqués pour un rappel à la loi, où là, le ton était beaucoup plus menaçant à notre égard. Donc on se retrouvait finalement fautif de se défendre devant cet individu. Et on avait un seul droit, se laisser insulter, se laisser mépriser, se laisser menacer, ce qui est vraiment totalement inacceptable. Je suis ressorti de là totalement déconfit, écœuré, révolté, ce qui est plus grave. Et actuellement, c'est pas terminé parce que avec l'autre personne, nous avons décidé de ne pas en rester là parce que c'est vraiment inadmissible. Cette personne nous pourrit la vie au quotidien. Je vous passe, lui-même a eu des dégradations sur sa voiture. J'en ai régulièrement, pas plus tard qu'il y a 2 semaines. C'est une situation qui ne peut pas durer éternellement. Je pensais naïvement que la justice était là pour défendre les honnêtes gens. Je me rends compte qu'elle se fourvoie et que c'est vraiment pas le cas, et qu'en l'occurrence, elle protège un voyou. Phénomène plus important s'est déroulé quelques années plus tard, où on se rendait compte dans cet immeuble qu'il y avait des allées et venues jour et nuit, avec des traces sur les paliers, des gens qui entraient et sortaient toute la nuit. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert, tout à fait fortuitement, qu'un trou avait été percé dans un mur de l'immeuble et que ce trou communiquait avec des galeries souterraines. On a été étonnés, on a donc fait ce qu'il fallait pour prévenir et la mairie de la ville et afin qu'ils puissent venir constater ce qui se passait. Et il s'est avéré que, de par les réactions de cette personne et de son épouse, ce dernier était largement impliqué dans l'ouverture de ce passage, en tout cas. Mais les enquêtes successives, on n'y a pas eu accès et rien n'a pu être établi quant à son implication là-dedans. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que cette personne est quelqu'un de dangereux. On en a averti sa hiérarchie en disant qu'il était menaçant. Il se promène avec une casquette insultante sur la tête, une cagoule. Enfin, c'est une description qui peut ressembler à certains voyous qu'on trouve dans les grandes agglomérations. Qu'il y a une stratégie derrière tout ça, d'intimidation? Alors c'est une bonne question que vous posez, puisqu'il s'agit d'un bailleur social. Toutes les personnes, je dirais, impliquées, entre guillemets, dans toutes ces histoires, sont des personnes qui étaient là donc avant que cet immeuble soit racheté par ce bailleur social. Et nous avons conservé les loyers du privé, c'est-à-dire on paye 3, 4, 5, 6 fois les loyers que payent les familles actuelles. Et on a un droit, c'est d'être maintenu dans les lieux, moyennant quoi on paye un loyer du privé. On peut supposer effectivement que cette forme de harcèlement peut être en tout cas interprétée comme une pression pour nous faire partir. Oui, ça nous a été... on en a émis l'hypothèse. Parce qu'on trouve aberrant et étonnant qu'il soit à ce point protégé par sa hiérarchie. De personnes qui ont signé une pétition, pétition qu'il a eu entre les mains. Le résultat, c'est que ces personnes sont dans le collimateur de cet individu, bien sûr. Il fait courir des bruits dans l'immeuble comme quoi nous sommes racistes. C'est une vieille technique, hein, c'est divisé pour régner, donc... Voilà, chose que nous ne sommes absolument pas. Nous n'aspirons qu'à une chose, c'est retrouver une sérénité, un calme. L'intimidation ne marchera jamais. Personnellement, il m'avait dit lors de notre dernière altercation que je voulais le voir partir, mais que je partirais avant lui. Donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure au niveau de l'intimidation, pour nous, enfin la pression en tout cas pour nous faire partir. Pour l'instant, je n'ai pas l'intention de céder à ces pressions. CEDEX, aventure, conversation. Thank you. el bandido, el bandido del amor, el bandido.